à toutes et à tous. Je suis tellement ravie de vous retrouver pour partager ensemble à nouveau nos minutes bonheur. Les mardis à 8h et 13h30. Aujourd'hui, après ces quelques semaines loin de vous, enfin loin des oreilles mais surtout pas du cœur, j'ai eu à vivre quelques épreuves qui m'ont donné à réfléchir, comme toutes les expériences de la vie que l'on peut traverser, et j'ai eu envie de vous parler aujourd'hui de la résilience. À ne surtout pas confondre avec la résignation. Alors la résilience, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un phénomène psychologique qui consiste pour un individu affecté par un traumatisme à prendre acte de l'événement traumatique pour ne plus ou ne pas avoir à vivre dans la dépression et pouvoir se reconstruire. À l'origine, les recherches ont été consacrées à l'étude de jeunes enfants capables de devenir des adultes prospères malgré l'adversité. Nous savons maintenant que tout le monde connaît l'adversité. C'est relatif, la quantité d'adversité, mais nous avons tous des choses qui pourraient avoir un impact sur notre bien-être et qui sont perçues comme des facteurs de stress et peuvent causer une certaine usure dans nos esprits, notre corps et notre comportement. La résilience, un tricot qui noue une laine développementale avec une laine affective et sociale, a entre autres écrit Boris Cyrulnik. L'étymologie de ce mot résilience vient du verbe latin resilio, littéralement sauter en arrière, d'où rebondir, résister. La résilience est à l'origine un terme utilisé en physique qui caractérise l'énergie absorbée par un corps lors d'une déformation, a démontré les tests Sharpie. Les premières publications dans le domaine de la psychologie datent de 1939 à 1945. Werner and Smith, deux psychologues scolaires américains à Hawaï, travaille donc avec des enfants à risque psychopathologique. À l'occasion d'un suivi effectué pendant 30 années, elle note qu'un certain nombre d'entre eux rebondissent, s'en sortent grâce à des qualités individuelles ou des opportunités de l'environnement. La résilience est dynamique et parmi les processus qui contribuent à la résilience, on a pu en repérer 8. La défense-protection, l'équilibre face aux tensions, l'engagement-défi, la relance, l'évaluation, la signification-évaluation, la positivité de soi, la création. L'art du kintsugi, l'art traditionnel japonais qui consiste à réparer un objet cassé en soulignant ses cicatrices avec de l'or au lieu de les cacher, est souvent utilisé comme métaphore de la résilience en psychologie et en développement personnel. Nous portons les cicatrices de nos blessures, à nous de les honorer, car elles disent aussi que nous avons survécu et qu'elles nous ont rendus plus forts ou plus lucides, a écrit Jacques Salomé. La résilience est une capacité qui nous oriente vers l'avenir, vers l'espoir et vers une force d'esprit incroyable. Mais avant tout, cela nous impose d'agir. La résilience peut s'apprendre. Ce n'est pas un trait de la personnalité qui ne serait présent que chez quelques êtres humains. Être résilient signifie qu'une personne est capable de continuer à vivre sans se sentir débordée malgré la douleur et les circonstances parfois difficiles de la vie. Mais alors, est-ce possible de développer sa résilience ? Eh bien, même si cela peut paraître compliqué au départ, il est tout à fait possible de développer une bonne capacité de résilience. Ce n'est pas quelque chose réservé à une élite. Et oui, nous pouvons tous être résilients à un moment de notre vie. Alors voici quelques pistes pour nous donner envie, nous permettre d'être résilients. Gardez toujours de la perspective. Si quelque chose, une expérience vous est arrivée, cela ne veut pas dire que votre envie entière part à la dérive, ni que toute votre personnalité ou vos valeurs doivent être remises en question. Délimitez bien le problème pour pouvoir l'attaquer sous le bon angle et pour éviter qu'il ne contamine toute votre existence. Demandez-vous comment vous avez pu surmonter d'autres expériences. Souvenez-vous des situations compliquées que vous avez dû endurer par le passé et essayez de trouver les éléments clés de votre rebondissement. Si vous parvenez à les identifier, remettez en marche ce qui vous a permis de surmonter d'autres expériences dans votre existence. Exprimez vos émotions, même si vous ressentez des choses plutôt négatives, ne gardez pas tout pour vous. La répression émotionnelle peut rendre les choses plus difficiles, il est donc temps de vider son sac. Prenez soin de vous. Votre travail et vos occupations quotidiennes ne doivent pas être les deux seuls éléments de votre emploi du temps. Faites des choses que vous aimez, profitez de la vie et surtout, reposez-vous. Passez du temps avec les gens qui vous permettent de vous sentir bien. Lisez, écoutez de la musique, baladez-vous en forêt, méditez. Ce qui vous permettra de découvrir votre moi intérieur. Après une expérience, vous pouvez ressentir la nécessité de retrouver la partie spirituelle de votre être et d'explorer votre corps et votre esprit à travers diverses activités. Persévérez et gardez confiance. Ces deux éléments seront vos alliés pour affronter le chemin qui vous attend. Ne l'oubliez jamais. La résilience est donc la capacité de prospérer dans la vie avec un état d'esprit positif. Anne Masten de l'Université du Minnesota définit la résilience comme une magie ordinaire. La résilience peut simplement être cultivé. C'est donc une question de ce que nous faisons et nous cherchons qui définit si nous pouvons être résilients. Il ne s'agit pas d'être né ou simplement d'être chanceux dans la vie. Si vous souhaitez en savoir plus, il existe quelques ouvrages à consulter. En voici quelques-uns. Celui de Céline Santini, Kintsugi, l'art de la résilience aux éditions First. Différents ouvrages de Marie Hanau, Psychologie de la résilience aux collections Cursus. La résilience pour surmonter les traumatismes. Certains ouvrages aussi de Boris Cyrulnik comme Les vilains petits canards. Ou un merveilleux malheur, ou encore Jacques Lecomte et Stéphane Vaninen-Staldil, Le bonheur est toujours possible, construire la résilience aux éditions Bayard. Il en existe bien entendu beaucoup d'autres que vous retrouverez rubrique ou rayon psychologie. Je finirai cette minute bonheur avec cette citation. Si vous ne pouvez pas changer une situation qui vous fait du mal, vous pouvez toujours choisir l'attitude avec laquelle vous allez l'affronter, a écrit Viktor Frankl. Je vous embrasse bien fort et vous dis à mardi prochain.